successeur. التابعون. التابعون, les successeurs, représentent la seconde génération de musulmans après les compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En réalité, ils sont de différentes catégories. Certains ont vécu au temps du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mais ne l'ont pas rencontré. Certains ont rencontré des compagnons du prophète. Certains sont nés au temps du prophète, mais celui-ci mourut alors qu'il ne pouvait pas encore comprendre ses paroles. En fait, toutes les narrations que les successeurs ont rapportées proviennent des compagnons du prophète. Certains successeurs sont très connus, notamment Al-Hassan al-Basri, Abu Abdillah Sufyan ibn Masruq al-Thawri, Mujahid ibn Jubair al-Makki, Abu ibn Rabah.